Sur les routes du paradis, par Clarisse Sandre. Pour les humains, fruits du péché originel, tous cousins, cousines issus de la même origine, pour les damnés de la tour de Babel, enfants du Créateur, de l'Éternel, pour les pèlerins errants entre rédemption providentielle et damnation éternelle, l'enfer sur terre, terrible, se dessine et au cœur s'enracine. Tout territoire, nationalité, confession, y seront un jour confrontés sans échappatoire possible. Aujourd'hui comme autrefois, ici comme ailleurs, l'ostracisme, le fanatisme et ses horreurs persécutent les chrétiens, les assassinent. Des anciens empires celtiques, romains, byzantins ou germaniques, des pays baltes, slaves ou scandinaves, de l'Occident au Levant, de l'Océanie à l'Asie, des déserts, plaines et collines africaines à l'Amérique latine, aujourd'hui, sur les routes du paradis, les nouvelles Marie, Lucie, Justine et Blandine cheminent. Sous les ailes déployées des archanges veilleurs, protecteurs et guérisseurs, tous, de Dieu les serviteurs et loueurs, sous le bouclier levé, le bras armé de l'archange Saint-Michel, défenseur de l'Église du Sauveur, sur la terre comme au ciel, sur les chemins du destin souverain du temps éternel, des chrétiens errants et fidèles, pèlerins confiants et modèles, sans fin, depuis 2000 ans, à l'appel du Dieu vivant acquiesce, leur foi en la promesse de la croix professe. Sur les routes du paradis, avant ou après l'absoute, progresse, et bienheureux, martyr ou saint, à jamais, irradie d'amour divin. Clarisse Sandre, le 2 janvier 2026.